بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le 2 Sha'ban de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 5 mars 2022. Aujourd'hui, le samedi, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le dernier cours de ce livre, Inch'Allah, dans lequel nous allons aborder le 6e et le dernier chapitre que l'imam Bulqudama rahimahullah, dans son livre intitulé Dhammul Waswas, le blâme de l'waswas, le dernier chapitre de ce livre. L'imam Al-Qudama est décédé en l'an 620 de l'Hégire. Donc, dans ce chapitre, avec lequel il a terminé le livre, il a cité 7 points dans lesquels la législation islamique a donné des facilités. Donc des points qui ont été facilités dans la législation islamique, mais que les gens touchés par l'waswas ont rendu difficile et dur. Et le premier point, il a dit فَمِنْ ذَلِكَ الْمَشْيُ حَافِيَا وَالصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ غَسْلِ قَدَمَيْهِ. Parmi ces choses-là, le fait de marcher pieds nus et de marcher et de prier, de faire salat ensuite, sans laver les pieds. Marcher pieds nus et ensuite faire salat sans laver les pieds. Et il a rapporté par rapport à ça un hadith dans Sunan Abi Dawud, rahimahullah. Il a rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'une femme parmi Bani Abd al-Ashhal, une sahabiya dont le nom n'a pas été cité dans cette chaîne. Mais comme vous savez dans la science du hadith, le fait de ne pas connaître le sahabi qui rapporte le hadith, du moment qu'on est sûr que c'est un sahabi, ça nuit pas à l'authenticité de la chaîne de transmission. Car tous les sahabas sont dignes de confiance, sans exception. Quelqu'un peut dire, est-ce que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, est digne de confiance également? Car il était avec Nabi alayhi salam. Les savants disent que les hypocrites ne font pas des compagnons. Que les hypocrites, dont on connaît l'hypocrisie, ne font pas partie des compagnons. Tayyib. Donc, selon cette sahabiya, radiyallahu anha, elle a dit, « Qultu ya Rasulallah, inna lana tariqan ila al-masjidi muntina, fa kayfa naf'alu idha tatahharna ?» قال أليس بعدها طريق تكون أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه فهذه بهذه. Donc cette sahabia dit au prophète عليه الصلاة والسلام, au messager d'Allah, sur notre chemin vers la mosquée, yani dans notre chemin, il y a des choses puantes, des choses malodorantes, infectes, qui se trouvent sur le chemin qui mène vers la mosquée. Elle lui a demandé comment devons-nous faire quand on se purifie. C'est-à-dire la personne, elle se purifie complètement et puis elle marche sur un chemin dans lequel il peut y avoir des choses sales. Des choses sales. Comment on doit faire? Le Nabi alayhi salam lui a dit, est-ce que après cet endroit infect ou dans lequel il y a des saletés, est-ce que après cet endroit, il y a un autre endroit qui est bon et qui est propre? Elle a dit oui. Le Nabi alayhi salam lui a dit, alors ça va purifier l'autre. Ce qui est bon purifiera et sera une purification et un nettoyage de ce qui est sale. Donc le sens de ce hadith, c'est que si jamais tu marches pieds nus, si tu marches pieds nus, ou si tu marches avec des souliers que tu vas garder dans la salat, car la sunnah est de garder les souliers dans la salat quand on les porte, de les garder, c'est ça la sunnah, sauf s'il y a quelque chose qui risque d'être endommagé. Faut pas venir et dire que c'est une sunnah et prier dans une mosquée dans laquelle il y a des tapis propres avec tes chaussures ou là tes sandales sous prétexte que c'est une sunnah. Il y en a, à l'époque du prophète, alayhi salam, dans la mosquée, il n'y avait pas de tapis. C'était uniquement le sable. Et le Nabi, alayhi salam, nous a ordonné de nous distinguer des gens du livre qui ne priaient jamais dans leurs souliers et de prier dans les souliers quand on les porte. C'est pour ça, si quelqu'un, il vient pieds nus, il prie pieds nus. Et s'il a quelque chose dans les pieds, il prie avec. À condition que ce soit pur. Et on parle de la pureté religieuse et non pas de la propreté. Vous faites bien évidemment la différence entre une chose qui est sale et une chose qui est impure. Sale, c'est toute chose répugnante, c'est la boue, la terre. Les choses qui sont sales, qui viennent sur le corps ou là sur le vêtement, ça c'est des saletés. Mais les impuretés, c'est des choses qu'on doit retirer obligatoirement avant salat. Et si on prie en sachant qu'il y a une impureté sur nous, que ce soit sur la personne qui fait salat, ou sur son corps, sur ses vêtements, ou l'endroit sur lequel elle prie, salat est invalide. Si on oublie et on le réalise après salat est valide à ce moment-là. Car c'est excusé avec l'ignorance. Là, quelqu'un qui sait qu'il a une impureté sur lui, telle que l'urine, l'excrément, le sang des menstrues, des lochis, toutes ces choses-là, ce sont des impuretés que la personne doit retirer obligatoirement avant salat. Et n'est excusé que dans le cas de l'oubli ou de l'ignorance. Donc, le Nabi alayhi salam a expliqué à cette sahabiya, radiyallahu anha, que même s'il peut y avoir une saleté sur la route, quand tu marches pieds nus, ou là avec des souliers que tu vas garder dans la salat, dans les deux cas, même s'il y a quelque chose, alors ça sera purifié par les autres endroits qui sont propres. Ça sera purifié par les autres endroits qui sont propres. Donc c'est ça qui a été rapporté dans la sunna. Aussi, il a rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, « قال, kunna لا نتوضأ من موطئ. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدي on se nettoyait pas après avoir marché sur une saleté. On ne se nettoyait pas. Ce qui est voulu par نتوضأ ici, c'est pas les ablutions religieuses. Et il y a certains savants qui ont compris que c'est les ablutions religieuses. Mais je vais vous citer la différence. Déjà, yani, la traduction de ce hadith, c'est que cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, c'est qu'il ne faisait pas les ablutions, c'est qu'il ne se nettoyait pas après avoir marché sur un endroit dans lequel il y avait quelque chose. Car ce qui va suivre nettoyera ce qui a précédé. Ça, c'est rapporté aussi d'Abdullah ibn Mas'ud avec une chaîne de transmission authentique. L'imam al-Khattabi, le premier savant qui a expliqué Sunan Abi Dawud et qui a expliqué l'authentique de l'imam al-Bukhari, wallahu alam, la deuxième, je ne suis pas sûr, mais avec certitude, c'est le premier qui a expliqué Sunan Abi Dawud. C'est un très grand savant. Il a dit que Abdullah ibn Mas'ud, il a voulu, dans ce hadith, kunna la natawadda'u, quand on marchait sur un endroit dans lequel il y avait quelque chose, on refaisait pas les ablutions. Il a dit, c'est ce qu'il a voulu dans ce hadith. Car il ne considérait pas le fait d'être touché par une impureté un point qui invalide les ablutions. Et ils se limitaient à laver leurs pieds. Ibn Athir dans Nihaya a dit يعني la même chose. Il a dit la même chose dans Nihaya, Nihaya fi Gharib al-Hadith. Et le deuxième sens qui a été donné, c'est avec lequel j'ai traduit. Ce qui est voulu par la natawadda, on nettoyait pas et on lavait pas les pieds après avoir marché dans un endroit dans lequel il y a une impureté ou là une saleté. Et que c'est pas une obligation de nettoyer le pied après avoir marché sur quelque chose du moment qu'on a marché par la suite sur un autre endroit qui est propre. Car ce qui est propre nettoyera ce qui est sale. À l'exception du cas où il marche sur une impureté qui est humide et non pas sèche. Quand c'est une impureté sèche, comme on va voir dans beaucoup de athar, marcher sur une impureté qui est sèche, c'est comme le fait de marcher sur une pierre, car l'impureté ne se transmet pas. Contrairement à quand l'impureté est humide, là, na'am, elle se transmet et la personne doit nettoyer l'endroit qui a été touché. Et c'est ça la compréhension qui a été donnée à ce hadith par l'imam Tirmidhi. C'est ça la compréhension qui a été donnée par l'imam Tirmidhi de ce hadith. Et c'est ça la compréhension de la plupart des savants. Ils ont dit, ils lavaient pas leurs pieds après avoir marché sur un endroit dans lequel il peut y avoir une saleté ou là une impureté, car ce qui va suivre est suffisant pour nettoyer cette impureté. À l'exception quand l'impureté est humide. Car quand elle est humide, elle se transmet. Et dans ce cas-là, il est obligatoire de la nettoyer. Oui. Ensuite, il a rapporté un athar selon Ali radiallahu anhu. أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. Il a rapporté de Ali, c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les premiers dans l'islam. Il est décédé en l'an 40 de l'Hégire. Le quatrième plus grand compagnon dont le mérite, après Abu Bakr et Omar et Uthman, radiyallahu anhum, et le quatrième calife bien guidé parmi les compagnons, radiyallahu anhum tous, qu'Allah les agrée tous. Il a dit que Ali, quand il marchait sur de la boue, après une pluie, quand il marchait dans de la boue, il entrait dans la mosquée et il faisait salat sans laver ses pieds. Et ça, ça montre et ça confirme ce qui a précédé, que il ne lavait pas les pieds parce qu'ils ont marché pieds nus. Et que la règle de base est que les pieds sont propres. Viendra une autre parole encore plus explicite. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ الْعَذِرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَابِسَةً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ. Donc Abdullah ibn Abbas, le grand faqih de cette communauté, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le fils de l'Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, il a été interrogé au sujet de l'âme qui l'homme qui marche sur des excréments, yani des matières fécales. Et sans aucun doute, ce qui est voulu ici, c'est les matières fécales qui sont considérées comme des impuretés. Des humains et de tous les animaux dont on ne consomme pas la viande. Comme vous savez, les animaux dont on consomme la viande, leur crottin ou la hada, sont purs. Comme les moutons, comme les chameaux, comme les vaches, et ainsi de suite. Donc, il a été interrogé au sujet de l'homme qui marche sur des excréments. Il a dit, la réponse, si c'est sec, c'est rien. Et si c'est humide, il lave ce qui a été touché de son corps. Donc, quand c'est sec, ça se transmet pas. Et ça, c'est valable même pour le chien, pour le faïda. Pour le faïda, le chien, il y a des savants qui considèrent la globalité du corps du chien comme impur. Mais ça ne veut pas dire pour eux qu'à chaque moment que tu touches un chien, ta main devient impure. Et tu dois la laver 7 fois dans la première avec de la terre. C'est pas ça qui est voulu. Quand le chien est sec, l'impureté ne se transmet pas. L'impureté ne se transmet que dans 2 cas. Le premier, quand elle se transmet entre 2 corps dont l'un est humide. Et le deuxième cas, elle se transmet entre 2 corps dont les 2 sont humides. Donc si le chien est mouillé, effectivement, tu le touches, pour ces savants, ta main devient impure. Et s'il te touche par une partie de son corps qui est mouillée, comme sa bave, ça devient impur également. Contrairement à quand le chien est sec, ou le chien passe à côté de toi, beaucoup de frères et sœurs posent la question, un chien est passé devant moi, mais je sais pas, il m'a touché, mais je sais pas est-ce qu'il m'a touché avec de la salive ou pas, avec sa bave ou pas, avec sa langue ou pas. La réponse, al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude n'est pas levée avec le doute. Tant que t'es pas sûr qu'il t'a touché avec une partie humide de son corps, tu restes pur. Jusqu'à avoir la certitude qu'il t'a touché, yani avec sa langue ou autre, et que la l'impureté s'est transmise. Ensuite, il a rapporté selon Hafs, أنه أقبل مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عامدين إلى المسجد فلما انتهيا عدلت إلى المطهرة أو إلى المطهرة les deux sont justes بالكسر وبالفتح لأغسل قدمي من شيء فيهما أو من شيء أصابهما فقال له عبد الله تفعل فإنك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا قال فرضيت بذلك ودخلنا إلى المسجد جميعا وصلينا الله أكبر. Donc selon Hafs, Hafs c'est Hafs ibn Inan al-Yamami. Hafs ibn Inan al-Yamami, il rapporte des hadiths selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il a dit, je suis venu avec Abdullah ibn Umar en voulant la mosquée. Ils sont partis ensemble pour la mosquée. Et quand ils sont arrivés à côté de la mosquée, Hafs, il s'est mis sur le côté, il est parti vers un endroit afin de laver ses pieds. Yani, il a pris un récipient dans lequel il y avait de l'eau pour laver ses pieds. Car ses pieds étaient touchés sur la route par quelque chose. Quand Abdullah ibn Umar l'a observé, il lui a dit, tu nettoies tes pieds, comme s'il s'exclamait. Il lui a dit, quand tu marches sur un endroit sale, et que par la suite tu marches sur un autre endroit bon et propre, ça sera une purification de ce qui a précédé. Hafs, il a dit, j'ai été satisfait de ce qu'il m'a dit, et il s'est conformé à ce qu'il lui a dit. Il a mis en pratique ce qu'il lui a dit, donc il n'est pas parti laver ses pieds. Ils sont entrés tous les deux dans la mosquée, et ils ont prié ensemble. Ils ont prié ensemble. Et comme les savants, ils précisent, le fait d'avoir de la boue sur les pieds, ça t'empêche pas de prier. Et comme vous avez vu, Sahaba, il nettoyait pas. Mais tu viens pas avec les pieds pleins de terre, pleins de saleté, dans une mosquée dans laquelle il y a un tapis propre. Il faut voir les choses dans leur contexte. Ici, nous parlons de Sahaba, radiallahu anhum, dans leur mosquée, il n'y avait pas de tapis. Il n'y avait pas de tapis. Et ça, c'est des remèdes pour les gens qui sont touchés par l'ouest-ouest. Car il y a des gens qui voient que quand il a de la terre ou une saleté sur le pied, c'est impossible de prier comme ça. Et que si jamais il prie, sa salat sera invalide. Et ça, c'est de l'exagération. Et c'est ouvrir la porte au shaitan pour l'ouest-ouest. C'est ça qui est visé. Yani, l'exagération d'une manière générale, en particulier ici, par rapport à la propreté. La propreté est demandée dans l'islam, mais l'exagération est rejetée. Ensuite, il a rapporté selon Abu Sha'tha, parmi les grands savants de l'Basra, parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas, dans Kitab Tawhid, il rapporte de lui, selon Abdullah ibn Abbas. Il est décédé en l'an 93 de l'Hégire, rahimahullah, parmi les grands savants de Salaf, un tabi'i, parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc, selon Abu Sha'tha, il a dit, « كان ابن عمر, radiallahu anhuma, يمشي بمنا في الفروث والدماء اليابسة حافياً. ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل قدميه. Il a dit que Abdullah ibn Umar, donc Abu Sha'tha, il dit que Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée. On dit qu'Allah les agrée, et non pas qu'Allah l'agrée, en visant Abdullah ibn Umar et son père, Umar ibn Khattab. Mais quand le père d'un compagnon n'est pas un musulman, n'est pas un compagnon, on dit qu'Allah l'agrée. Donc, Abdullah ibn Umar, il marchait à Mina pendant la période de l'Hajj, où une partie du pèlerinage, des rituels du pèlerinage, se déroule à Mina. Notamment, c'est l'endroit, pourquoi ça s'appelle déjà Mina? Car c'est l'endroit où on sacrifie la bête. Donc, vous imaginez quand il sacrifiait, déjà à notre époque où il y a une organisation, une très très grande organisation de la part de l'État d'Arabie Saoudite pour ces rituels, et malgré ça, tu trouves du sang et yani, les excréments de bêtes et hachi, tu trouves un peu yani, dans des endroits, tu peux en trouver. Alors qu'à leur époque, il a dit, il marchait à Mina et il pouvait marcher sur des crottes et des excréments et sur du sang sec. Et ensuite, il entrait dans la mosquée, il faisait salat sans laver ses pieds. Ça pouvait lui arriver de marcher sur du sang sec ou là des crottes d'animaux, des choses comme ça. Et ensuite, il va faire salat. Il ne lavait pas ses pieds en appliquant ce qui est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, et que l'impureté ne se transmet pas quand elle est sèche. Elle ne se transmet pas. Selon Imran ibn Hudayr, rahimahullah, Imran ibn Hudayr, un grand imam qui est décédé en l'an 149 de l'Hégire, il a dit « كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة فجعل يتخطاهن ويقول ما هذه إلا سودات ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. » Donc, Imran ibn Hudayr, il a dit qu'il marchait avec Abu Mijliz. Abu Mijliz, c'est un grand tabi'i, un très grand tabi'i. Il est décédé en l'an 106 de l'Hégire. Et il est décédé en l'an 106 de l'Hégire, ça veut dire qu'il est décédé à une époque où il y avait encore des sahaba, beaucoup de sahaba. C'est pour ça qu'on dit que c'est un grand tabi'i. Car il y a trois générations dont la génération de tabi'in. Les grands tabi'i, les tabi'i qui viennent après eux, qui ont vu un peu moins de compagnons, et les petits tabi'i qui n'ont vu que quelques compagnons. Il y a des savants qui citent que deux catégories dans tabi'in, les grands et les petits. Donc il a dit qu'il marchait avec Abu Mijliz pour se rendre à la mosquée pour Salat al-Jumu'ah. Et sur leur route, il y avait des excréments secs. Et Abu Mijliz, il les évitait. Il marchait en disant, ce ne sont que comme des pierres. Yani, l'excrément et l'impureté d'une manière générale, quand elle est sèche, en réalité, c'est comme une pierre, car ça ne se transmet pas que quand elle est humide. Donc, il marchait pieds nus. Il allait pieds nus à la mosquée et il ne lavait pas ses pieds avant de faire salat. Et ça, c'est un très très grand savant et c'est un très très grand tabi'i. Selon Asim al-Ahwal, aussi c'est un grand imam, un grand mémorisateur de la science du hadith, qui est décédé lui en l'an 142 de l'Hégire. قال أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال ما لكم فدعونا بوضوء فقال ما لكم ألستم متوضئين قلنا بلى ولكن هذه الأقدار التي مررنا بها قال هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم قلنا لا قال فكيف بأشد من ذلك قال فكيف بأشد من ذلك هذه الأقذار تجف فتنسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم. الله أكبر. Donc selon Asim al-Ahwal, il a dit, on s'est rendu chez Abu al-Aliya, Abu al-Aliya al-Riyahi, le grand imam, le grand mémorisateur qui est décédé en l'an 90 de l'Hégire. C'est lui, ou le menteur Aswad al-Ansi, qui a prétendu être un prophète au Yémen, il l'a jeté dans le feu. Et ça ne l'a pas brûlé. Exactement comme ça s'est passé à Ibrahim alayhi salam. Et ça, les savants disent que ce sont en réalité des prodiges pour le prophète alayhi salatu wassalam. Car des membres de sa communauté ont eu des choses qui sont arrivées à des grands prophètes et messagers. Vous savez que des compagnons ont marché sur la mer dans la bataille de Qadisiyya quand ils étaient dirigés par Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et aussi Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah, c'est un très grand tabi'i. J'ai un doute maintenant, est-ce que il est entré dans l'islam pendant le vivant du prophète alayhi salam, mais il n'a pas pu rencontrer le Nabi alayhi salam. En tout cas, il n'est pas considéré comme un sahabi, mais peut-être que c'est un tabi'i mukhadram. Si jamais il est entré dans l'islam pendant le vivant du prophète alayhi salam et qu'il ne l'a pas rencontré, on dit que c'est un tabi'i mukhadram. C'est une classe de tabi'in pour les distinguer. Et parmi les tabi'in al-mukhadramin, Uwais al-Qarani, qui est très connu. Cet homme du Yémen qui était très bon envers sa mère. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Et dont l'invocation était exaucée. Uwais al-Qarani, c'est un tabi'in mukhadram. Car il est entré dans l'islam, mais ce qui l'a empêché de venir, de faire le voyage pour rencontrer le Nabi alayhi salam, c'est sa bonté envers sa mère qui avait besoin de lui. Nabi alayhi salam a dit à Abu Bakr et Omar, cet homme, son invocation est exaucée. Cet homme, son invocation est exaucée. Tayyib. Donc ils sont venus chez Abu al-Ali al-Riyahi, rahimahullah. Et ils ont demandé à ce qu'on leur ramène un récipient avec de l'eau. Wado. Donc c'est pas wado. Wado, c'est l'acte. L'wado, c'est l'eau pour faire les ablutions. Mais eux, ils voulaient pas faire les ablutions. Donc, ils ont demandé à ce qu'on leur ramène un récipient avec de l'eau. Abu al-Aliya, rahimahullah, leur a dit, vous n'avez pas les ablutions? Ils ont dit si. Mais, on a marché sur des crasses. Abu al-Aliya leur a dit, est-ce que vous avez marché sur quelque chose humide qui s'est collé à vos pieds? Ils ont dit non. Il a dit, alors que dites-vous de ce qui est pire de ça? C'est quoi? Écoutez ce qu'il leur dit. Il a dit, justement, ces excréments et ces crasses, quand il devient sec, le vent souffle dessus et ça s'éparpille avec le vent et ça vient dans vos cheveux et dans vos barbes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, alors? Si vous êtes à cette munitie, ce degré de propreté, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Donc ça, c'est une façon de leur répondre que ce qu'ils ont voulu faire est de l'exagération. Tant que rien n'a été collé à ton pied de cette impureté, t'as pas besoin de laver les pieds. Et laver rentre dans l'exagération. Surtout pour la personne qui considère que si jamais elle ne lave pas, sa salat est invalide. Et avec ça, il rentre dans le domaine de l'waswas. Il rentre dans la catégorie des gens touchés par l'waswas. Et ce waswas, comme dans le reste qui a précédé, il peut commencer avec le fait que tu n'as rien à perdre. De toute façon, c'est meilleur. Tu n'as rien à perdre. Non. Il faut le stopper, il faut accepter de faire salat comme l'a fait le Nabi alayhi salam, comme l'ont fait les compagnons radiallahu anhum, n'étaient pas plus propres que eux, n'étaient pas meilleurs que eux, ni dans la propreté, ni dans quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça que salaf, ils étaient attachés à ces choses-là. Et que ça peut être une porte d'un très grand mal pour le serviteur. وَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلَيْنِ. Donc là, il va passer à un deuxième point, dans lequel la législation a donné des facilités et que ces mouaswissines ont rendu difficile et dur. Il a dit وَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ. Fait partie de ces points également le fait de faire salat dans les souliers et dans les chaussons. Car le Nabi alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ils priaient dans leurs souliers et dans leurs chaussons. Ça a été rapporté de Anas radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam kana yusalli fi an-na'layn, que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait la salat tout en portant ses souliers. Hadith rapporté dans les deux authentiques. L'imam al-Bukhari a intitulé le chapitre dans lequel a cité ce hadith, la prière dans les souliers. Et le titre du chapitre dans l'authentique de l'imam muslim, l'autorisation de prier avec les souliers, c'est-à-dire tout en les portant. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son grand-père, il a dit رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودِ. Donc, rapporté selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, il a dit j'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, prier en portant ses souliers, yani tantôt en étant pieds nus, et tantôt en étant chaussés, yani en portant ses souliers. Et en portant ses souliers. Ce hadith a été rapporté avec une bonne chaîne de transmission. Et ça, c'est le hukm d'une manière générale de cette chaîne de transmission de Amr ibn Shu'ayb selon son père, son grand-père. C'est comme ça que juge cette chaîne, Sheikh al-Albani, rahimahullah. Donc, il dit que le Nabi alayhi salam, il priait des fois pieds nus et des fois il priait en étant chaussé, en portant ses souliers. Aussi, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit, « Baynama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli, idh khala'an alayhi, falamma ra'a thalika al-qawmu, alqawni alahum, falamma qada salatahu, qala ma hamalakum ala ilqa'ini alikum, قالوا رأيناك ألقيتني عليك فألقينا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن عليهما قذرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. Donc أبو سعيد الخدري رضي الله عنه il rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il rapporte que pendant que le prophète, alayhi salatu wassalam, les dirigeait dans la salat, il était imam. À un moment dans la salat, il a retiré ses souliers. Il a retiré na'l. Pendant la salat. Quand les compagnons, ils l'ont vu retirer les souliers, tous, ils ont retiré leurs souliers. Allahu Akbar. Regardez comment ils étaient dans l'obéissance. Nous, peut-être que le meilleur, il va dire, j'attends de finir pour savoir, pour demander. Eux, ils suivaient. Du moment que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait, ils font. Radiallahu anhum. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Nous sommes toutes, oui, toutes obéissance. C'est comme ça qu'étaient les compagnons, radiallahu anhum. L'un d'entre eux, il entend Allah subhanahu wa ta'ala dire, لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'obtiendrez pas le degré élevé de la piété jusqu'à dépenser de ce que vous aimez. Il entend ce verset directement, il se pose la question. Quel est le bien que je possède, que j'aime le plus? Il a dit, c'est ce jardin. Et il est parti voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est fi sabilillah, c'est ce que j'aime le plus. Nous, malheureusement, tu peux trouver certains d'entre nous, et encore, ça c'est des gens qui font le bien à notre époque. Il y en a qui ramènent rien à la mosquée. Et parmi les meilleurs d'entre nous, il ramène l'objet dont il a plus besoin chez lui. L'objet qu'il a usé dans sa maison, il le ramène à la mosquée, comme une déchetterie. Mais sahaba radiallahu anhum, ce qui était fi sabilillah, c'est la meilleure des choses. Et eux, ils peuvent se contenter chez eux d'une chose usée, d'une chose, yani, d'une petite valeur. Wallah musta'an. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous facilite le bien et nous utilise dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Donc, sahaba radiallahu anhum, dès qu'ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, leur imam dans la salat, retirer ses souliers, ils les ont retirés aussitôt. Car ils ont dit peut-être que c'est devenu interdit dans la salat. Et quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa salat, il leur a posé la question, pourquoi vous avez retiré vos souliers pendant la salat? Ils ont dit, on t'a vu les retirer. Et on les a retirés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué pourquoi lui il les a retirés. Ça n'a pas été abrogé, le jugement. Mais il les a retirés pour une raison. Il a dit, Jibril alayhi salam est venu m'informer que sur mes souliers, il y avait une impureté. Il y avait une souillure. C'est-à-dire une impureté religieuse. C'est pas de la boue, là, de la saleté ou là, de la crasse. Non. C'est une impureté religieuse. Comme de l'urine, l'excrément, le sang de menstrue. Et ça, quand tu l'as sur toi, tu dois la retirer. Si tu le sais avant salat, et tu fais salat tout en sachant que tu as sur toi une impureté, salat est invalide. Car retirer les impuretés fait partie des conditions de validité de la salat. Tu dois la retirer de trois choses. De ton corps, de tes vêtements et de l'endroit dans lequel tu pries. Tayyib. Ça, si tu le sais avant. Mais si tu sais avant et tu t'oublies et tu pries avec jusqu'à finir salat, salat est valide. Car ce qui a été demandé de le retirer dans l'adoration, si jamais tu l'oublies, c'est excusé. Mais par contre, ce que tu dois faire dans l'adoration, si tu l'oublies, t'as pas de péché, mais ça ne rend pas l'adoration valide. Par exemple, ça a été demandé de faire les ablutions. Si tu fais pas les ablutions et tu pries sans ablution en pensant les avoir, t'as pas de péché. T'es excusé par l'oubli. Mais salat est invalide. Contrairement aux choses que tu dois retirer. On les appelle turuk. At-turuk sont excusés avec l'ignorance. Comme retirer l'impureté. Ça c'est une règle très bénéfique dans le fiqh. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a retiré ses souliers parce qu'il y avait une impureté dessus. Et si tu as une impureté sur ton corps, sur tes vêtements par exemple dans ce salat, et que tu puisses retirer ce vêtement seulement, tout en ayant l'aura couverte, tu le retires et tu continues ta salat. Mais si jamais tu n'as pas la possibilité de le retirer. Ou si tu le retires, ta aura sera découverte, parce que ce vêtement couvre l'aura. Et en dessous, tu as quelque chose qui ne couvre pas l'aura. Dans ce cas-là, tu interromps salat, tu retires l'impureté, tu recommences la salat dès le début. Et ensuite, le Nabi Aïssa, il a dit aussi, dans un autre hadith, donc ça, c'est le premier hadith, il est le premier hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Dans un autre hadith, il a dit, quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde, et qu'il vérifie ses souliers. S'il trouve une impureté, qu'il l'essuie, et il prie ensuite. Il prie ensuite dans ses souliers. Mais d'abord, tu dois vérifier. Si tu trouves rien, tu trouves pas d'impureté, tu pries. Tu trouves une impureté, tu dois l'essuyer d'abord et ensuite prier avec ses souliers. Donc ça, c'est une sunna. Une sunna pour celui qui marche avec des souliers, il arrive à la mosquée, avant de faire salat, la sunna c'est de regarder. Est-ce qu'il y a une impureté sur les souliers? S'il n'en voit pas, il prie avec. S'il en voit, il l'essuie, il prie avec. Selon Shaddad ibn Aous, رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خارف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النبي عليه الصلاة والسلام a dit خارف اليهود, distinguez-vous des juifs car ils ne prient pas dans leurs souliers ni dans leurs chaussons. Hadith authentique. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. النبي عليه الصلاة والسلام dit selon حديث أبي هريرة رضي الله عنه, حديث aussi authentique dans Sunan Abi Dawood, il a dit quand l'un d'entre vous marche sur une impureté avec ses souliers, la terre est une purification pour ses souliers. La terre est une purification. وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. Un autre hadith aussi dans Sunan Abi Daoud, également authentique. Le Nabi alayhi salam a dit, celui qui marche sur une impureté ou une saleté avec ses chaussons, la terre suffit comme purification. Ensuite, il est passé au troisième point. Wa min dhalika anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli haythu ma kan. Également, le Nabi alayhi salam, il faisait la salat partout où il se trouvait. Et il a dit dans le hadith authentique, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. Donc dans ce hadith, النبي عليه الصلاة والسلام dit, ce hadith bien évidemment rapporté dans les deux authentiques, النبي عليه الصلاة والسلام il dit جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Toute la terre, pour le prophète alayhi sallam, est un lieu de prière et de purification. Un lieu de salat et un lieu de purification. Partout où tu te trouves, accomplis la salat, rapporté dans les deux authentiques. Donc ça, c'est un hadith général, sans sens général. Et on ne va sortir de cette généralité que les choses qui ont été spécifiées dans d'autres textes. On ne va sortir de cette généralité. Donc salat est autorisé partout que tu sois sur terre. Et tu peux te purifier de n'importe quelle terre, de la surface de la terre, que ce soit du sable ou de la terre, ou une pierre. Tout ça représente une purification. et un lieu de salat. Donc la règle générale dans la terre, c'est qu'elle est pure. La règle générale dans la terre est qu'elle est pure. Contrairement à certains mouswissines, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guérisse tous, que j'ai connu moi-même. Quand tu lui dis on prie à cet endroit, on s'arrête. Et ça c'est surtout, il était touché par ce phénomène dans un pays de kofr. Lui il vient d'un pays d'islam. Et pour lui, le kofar, ils sont tous sales, partout ils sales. Donc, tu t'arrêtes sur un endroit pour faire salat, il te dit non, on ne sait pas, peut-être qu'il y a eu un kafir qui est venu uriner ici, ou un chien, ou... Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Car la règle de base, que toute terre est pure, jusqu'à preuve du contraire. C'est ça l'islam. Que tu sois dans une terre d'islam ou une terre de mécréance, le jugement reste le même. Et Nabi alayhi salam, il dit partout où t'es, tu fais salat, tu te purifies. Si t'as l'eau, tu te purifies avec l'eau. Si t'as pas d'eau, tu te purifies avec la terre. Et le mieux dans tes mondes pour sortir des divergences, c'est d'utiliser la terre. Là, si tu utilises une pierre, et non pas comme les pierres qu'on a fublad, des pierres qui lavent. Cheikh Taqi Hilali dit ça c'est une bid'a de laver la pierre. Le but, c'est d'avoir un peu de poussière sur la pierre. On lave pas la pierre, on la prend telle qu'on la trouve sur terre. Lakin, le point sur lequel tous les savants sont d'accord, c'est la terre. Si tu fais tiémoum avec la terre, personne ne dit, personne ne... Personne ne remet en question la validité de ton tayammum. Personne ne remet en question la validité de ton tayammum. Contrairement à d'autres choses autres que la terre. Lakin, si tu as une pierre, tu peux l'utiliser. Si tu as une pierre, tu peux l'utiliser pour tayammum, inshallah. Mais le mieux, c'est turab. Donc on a vu que ce hadith est général. Tout endroit est bon pour faire salat. Et il y a des choses qui sortent de cette généralité, des exceptions. Ensuite l'imam Ibn Qudamah a dit « Wa kana yusalli fi marabid al-ghanam » Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, il faisait salat dans les bergeries. L'endroit dans lequel se trouvent les moutons et les brebis. Il ordonnait de faire salat dans ces endroits. Il y en a tout animal. Les bestiaux dont on mange la viande, dont la viande est halal, les brebis, les moutons, les chèvres, les chameaux, les veaux, et ainsi de suite. Tout animal dont la viande est halal, ni l'endroit dans lequel il se repose, l'endroit dans lequel il dort, est pur. On peut faire salat. Yani, sauf les choses qui sortent de cette généralité encore. Mais sinon, ça, c'est des règles de base. L'imam Ibn al-Munzir, رحمه الله دي وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابد الغنم إلا الشافعي رحمه رضي الله عنه فإنه قال لا أكره ذلك إذا كان سليما من أبعارها. Donc tous les savants à l'unanimité et pour dire que la salat dans les bergeries c'est l'endroit où on met les moutons et les brebis, pour dire que l'endroit, ces bergeries, la salade dedans est valide, à l'exception de l'imam Shafi'i, rahimahullah, l'imam Shafi'i, le grand imam, parmi les quatre imams, lui, il voyait que c'est détestable quand il y a des crottes de brebis. Mais sinon, tous les autres savants et Dalil appuient leur avis du prophète alayhi salatu wasalam, c'est que la salat est valide et que les crottes de brebis sont pures et ce n'est pas une impureté. Et le Nabi alayhi salatu wasalam, ça lui arrivait, comme ça a été rapporté de Anas radiallahu anhu, ça lui arrivait quand c'était l'heure de salat de prier dans les bergeries, avant la construction de la mosquée. Et il a dit dans un hadith authentique, أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. Rapporté dans les deux authentiques. Nabi alayhi salam il dit, Allah m'a donné cinq qui n'ont jamais été donnés à un prophète ou un messager avant moi. Toute la terre m'a été rendue bonne et pure et lieu de salat. Et que chaque homme, yani quand c'est l'heure de salat, il prie partout où il se trouve. Il a été interrogé, alayhi salatu wasalam, au sujet des bergeries. Il a dit, sallu fiha, fa inna fiha baraka. Il a dit, priez dedans. Car il y a une bénédiction en cela. Rapporté par Abu Dawud, ce hadith, je n'ai pas cherché son authenticité. Fiha baraka. Tayyib. Fa inna fiha baraka. Donc ça aussi, ça a été rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Et Al-Bayhaqi, rahimahullah, il a rapporté de l'imam Shafi'i qu'il détestait salat dans les bergeries, c'est pour les moutons, les étables, c'est pour les chevaux, et pour les chameaux, je ne sais pas comment on dit, lakin, l'endroit dans lequel se trouvent les chameaux, c'est ça qui était détesté pour l'imam Shafi'i selon Al-Bayhaqi. Et ça, c'est juste. Ça, c'est juste comme c'est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une exception des animaux dont la viande est halal. C'est les endroits dans lesquels se reposent les chameaux. Après, les savants ont divergé pour quelle raison, pour quelle sagesse. Yani, ça sort de cette généralité. Il y en a qui ont dit, car le chameau a des aspects similaires au shaitan. Et ils ont cité d'autres sagesses. Lakin, ce qui nous intéresse ici, c'est que la salat dans ces endroits est autorisée. Et il a rapporté aussi un hadith. Le Nabi alayhi salatu wasalam il dit, Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Toute la terre est un lieu de salat, excepté le cimetière et l'endroit dans lequel on se baigne. D'ailleurs, on peut dire la douche, l'endroit dans lequel on se douche. Le hammam, c'est l'endroit dans lequel on se lave. Et pas comme on dit aujourd'hui, il y en a qui utilisent le hammam pour l'endroit dans lequel on fait nos besoins. Mais le hammam, c'est l'endroit dans lequel nastahim, on se lave. Donc dans ce hadith qui est rapporté également avec une chaîne de transmission authentique, Nabi alayhi salam a dit, toute la terre est bonne pour la salat, excepté le cimetière. On ne fait pas salat dans le cimetière. Quelqu'un il peut dire, Nabi alayhi salam, quand il y a eu cette femme qui est décédée, et il n'a pas pu faire salat sur elle, car ils l'ont enterré de nuit, et ils ne l'ont pas informé. Ensuite, il est allé devant sa tombe, il a fait salat sur elle. Alors, pourquoi vous dites que salat n'est pas autorisé dans le cimetière? La réponse, c'est que Salat al-Janaza, ce n'est pas une salat. En réalité, c'est une invocation. Et ce n'est pas une vraie salat, car elle ne comporte ni recours, ni sujoud. Il n'y a pas d'inclinaison, ni de prosternation dedans. Mais salat n'est pas légiféré dans le cimetière, ni dans l'endroit dans lequel on se lave, al-hammam, ou l'endroit dans lequel on fait nos besoins. Également, il n'est pas légiféré de faire salat dans ces endroits. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. عبد الله بن عمر il a dit que les chiens ils rôdaient dans la mosquée et ils faisaient leurs besoins dans certains endroits et que les gens ne lavaient pas ces endroits-là. Ils ne les lavaient pas. L'anna s'était exposé au soleil et le soleil suffit pour les rendre purs. Ou ça va sécher tout seul. Ça va sécher tout seul. Là, si quelqu'un y touche une impureté humide, il doit nettoyer l'endroit qui a été touché. Aussi, selon Anas, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il rendait visite à Umm Sulaym. فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ينضحه بالماء رواه أبو داود. Également il a rapporté de Anas رضي الله عنه que le prophète عليه الصلاة والسلام il rendait visite à Umm Sulaym. Umm Sulaym c'est ils ont divergé au sujet de son prénom. Il y a beaucoup de d'avis, Rumaysa ou autre. Rumaysa, c'est le plus connu. Umm Sulaym bint Milhan, al-Ansariya, al-Khazrajiya, la mère de Anas. C'est connu que quand le prophète A.S. est venu sur le Medina, elle a ramené son fils Anas de 10 ans, et elle a dit au prophète A.S. « Ça c'est mon fils, je te le laisse pour être à ton service. » Il est resté avec le prophète A.S. 10 ans. Regardez, une mère qui sait bien choisir pour ses enfants. C'était une baraka pour son fils, cette mère. Radiallahu anha. Et dans sa biographie, beaucoup de choses. Radiallahu anha wa ardaha. Et elle participait, c'était connu qu'elle participait dans les batailles. Aux côtés du prophète A.S. pour soigner les blessés, les malades. Comme une infirmière. Radiallahu anha wa ardaha. Tayyib. Le prophète alayhi sallam, il rendait visite à Umm Sulaym. Et quand c'était l'heure de la salat, il priait sur un tapis à la maison. Il l'aspergeait avec un peu d'eau. Yani un hasir. C'est un paillasson en bambou. Comme vous pouvez trouver dans nos pays encore aujourd'hui. Et il priait. Il ne posait pas la question, est-ce qu'il y a un enfant qui a uriné, est-ce que, non, il priait directement. Radiallahu alayhi salatu wassalam wa radiallahu an Umm Sulaym. Et selon Anas également, il a dit, فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ سْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسْ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Yani, dans un chapitre qu'il a intitulé « L'autorisation de prier sur un paillasson, là, un tapis ou là, en bambou. » Donc ce tapis, il était très usé, au point où il a noirci, tellement ils l'ont utilisé. Et Anas, radiallahu anhu, il l'aspergeait avec un peu d'eau, et Nabi sallam, il priait dessus. Rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. ومن ذلك ensuite il passe au quatrième point. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامه رضي الله عنها. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il priait tout en portant sa petite fille Umama, la fille de Abu al-As ibn al-Rabi'. Et sa mère c'est Zainab, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Et Umama a été épousée par Ali radiallahu anhu pendant la gouvernance de Umar. Pendant le khilafa de Umar radiallahu anhu, elle a été épousée par Ali radiallahu anhu. Umama bint Abi al-As ibn al-Rabi'. Et sa mère, la mère de Umama, c'est Zainab, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, la fille aînée du prophète alayhi salatu wassalam. Zainab, vous savez tous, vous rappelez de son histoire, comment elle a été la cause de l'islam de son mari, et comment elle a patienté, et comment elle a été fidèle à son mari jusqu'à ce qu'il ait entré en islam. Elle aimait énormément son mari et elle n'a pas épousé quelqu'un d'autre et elle a patienté jusqu'à ce qu'il ait entré dans l'islam. Radiallahu anha. Donc sa fille qui s'appelle Umama, Nabi alayhi salam, ça lui est arrivé de prier, de faire salat tout en la portant. Et quand il descendait pour la prosternation, il la posait. Et quand il se levait, alayhi salatu wassalam, il la portait à nouveau. Donc ça, c'est des choses que le Mouassouis ne peut pas accepter. Il y a une anecdote marrante qui est arrivée à l'Allam al-Shawkani, le grand savant du Yémen. Il a prié, il est parti dans un village pour da'wa, il a fait des cours ou des choses comme ça, et ensuite il les a dirigés dans le salat. Et pendant sa salat, son turban est tombé de sa tête. Il l'a repris, il l'a remis à sa place. Quand il a fini, un bédouin lui a dit, tu pries ou tu joues? Il y en a pour lui, il a fait des gestes qui peuvent invalider sa salat pour lui, pour ce Mouassouis. Il lui a dit, est-ce que tu fais salat ou tu joues? Shawkani rahimallah a eu une réponse qui est restée, on l'appelle en arabe Jawab Muskit. Il est resté bouche bée, l'autre. Il lui a dit portez le turban, al-imama, hamlo al-imamati ahwanu min hamli umama. Il lui a dit portez le turban et moins que de porter Umama, en faisant allusion à ce hadith que Nabi Islam il a porté quand il se levait, il descendait dans ce jour de roko, il l'a posé par terre, il la reprenait, donc c'est beaucoup plus. Rahimahullah. Et selon Anas radiallahu anhu, le Nabi alayhi salam un jour a fait salat. Il est resté longtemps dans la prosternation, dans ce sujoud. Certains parmi les compagnons ont levé leur tête. Il y en a peut-être, il y a quelque chose qui est arrivé au prophète, alayhi salam. Il est resté beaucoup plus longtemps dans ce sujoud que d'habitude. Nabi alayhi salam, vous savez qu'il restait dans ce sujoud quand il était imam, à peu près le temps de répéter 10 fois Subhana Rabbil A'la. Et la même chose dans le Rukou. Là, cette fois, il est resté beaucoup plus longtemps. Au point où certains ont pensé qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé. Ils ont regardé et il a vu que sur le dos du prophète alayhi sallam, il y avait son petit-fils Al-Hassan ou Al-Hussein, qu'Allah les agrée tous. Il était sur son dos. Quand Nabi alayhi sallam a fini salat, il a fait salam, il leur a dit « Inna bni hadar tahalani fakarihtu an u'ajjilahu Allahu Akbar » Il leur a dit, mon petit-fils est monté sur mon dos et j'ai détesté le précipiter à descendre. Allahu Akbar. Ça, c'est notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il a détesté de le précipiter à descendre de son dos. Il l'a laissé jusqu'à ce qu'il ait descendu tout seul, alayhi salatu wassalam. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأحد ابنيه إلى جانبه فكلما سجد وثب الغلام على ظهره ف فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برفق فيضعه ثم ينهض. Également, c'est rapporté que le Nabi عليه الصلاة والسلام, il faisait salat tout en ayant un de ses petits-fils à ses côtés. Quand il descendait pour soujoud, il le posait. Et quand il se levait, il le portait à nouveau dans ses mains. Avec une douceur, il le portait doucement. Et quand il le posait doucement également. Le cinquième point qu'il a cité ici, « قال ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. » Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, il portait les vêtements qui ont été faits par les mushrikin, par les associateurs, et il priait dedans, il faisait salat dedans également. Et il a rapporté un hadith selon Omar radiallahu anhu. Il a dit, Omar radiallahu anhu, il a dit, j'ai eu l'intention d'interdire le port de vêtements faits par les kuffars de tel endroit. Il a cité une région de kuffars précise. Il a dit, car il m'a été rapporté qu'ils teint leurs vêtements avec de l'urine. Yani pour colorer le tissu, ils utilisaient l'urine. Et ça, c'est pas étonnant de le kuffar. C'est pas étonnant de le kuffar qu'il fasse cela. Lanna le kafir, il obéit à Shaitan, à Iblis, dans toute chose. Il peut lui embellir une chose que, comme celle-là. Il peut lui embellir que colorer les vêtements avec l'urine, c'est une bonne chose. Comme il peut le repousser d'une chose qui est bonne à la base. Yani, à titre d'exemple, il voit que la femme qui va avec tous les hommes, la femme qui montre la quasi-totalité de son corps, la femme qui participe dans des films, wal'iyadhu billah, voilà, des relations avec tous les hommes, il voit que c'est une femme émancipée, une femme ouverte. Et il voit que la femme qui préserve sa chasteté, la femme qui se réserve pour son mari, que c'est arriéré. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est arrivé à ce degré tellement bas? Il n'y a pas de discussion en réalité avec lui. Il n'y a pas de discussion avec lui. Annie, tu ne peux que remercier Allah de t'avoir préservé par quoi il l'a éprouvé. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bih. طيب, donc Omar رضي الله عنه, il a voulu interdire ces vêtements-là. Ensuite, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu lui l'a rattrapé avant qu'il l'interdit. Il lui a dit, pourquoi tu veux interdire aux gens de porter ces vêtements? Il lui a dit, sache que ces vêtements ont été portés par celui, et ces vêtements ont été portés par le prophète alayhi salatu wassalam et ont été portés également par les gens pendant son vivant. Et si Allah savait que c'était interdit, il aurait informé son prophète, alayhi salatu wassalam. Et Omar, à ce moment-là, il a dit, t'as dit vrai. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Car Omar, radiallahu anhu, était connu pour revenir à la vérité dès qu'il l'apprend, radiallahu anhu. Kana raja'an waqafan, comme l'a décrit notre mère Aïcha, radiallahu anhu. ولما قدم عمر رضي الله عنه الجابية, quand عمر رضي الله عنه est arrivé à un endroit qui s'appelle Jabiya, dans la région de Damas, quand les musulmans ont conquis Sham, il a emprunté des vêtements d'un chrétien il les a portés en attendant de lui réparer son vêtement. Maintenant, il avait un vêtement qui était déchiré, il l'a donné pour le coudre, et en attendant, il a emprunté un vêtement d'un chrétien qu'il a porté. Et il s'est purifié d'une jarre d'une femme chrétienne. Donc tout ça démontre que c'est autorisé. Ces choses-là sont autorisées et il n'y a aucun mal en ces choses-là. Le sixième et dernier point qu'il a abordé, rahimahullah, ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه. L'avant-dernier. Il a cité sept points. Là, c'est le sixième, l'avant-dernier. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة. النبي عليه الصلاة والسلام, il répondait à l'appel de celui qui l'invitait, que ce soit un musulman ou un kafir, un yahoudi ou un nasrani. Et ça a été rapporté qu'un juif l'a invité, il lui a présenté un pain d'orge et ihala sanicha. L'ihala, c'est ce qu'on appelle un idam, quelque chose qu'on mange avec le pain. Tout ce qui se mange avec le pain, ça s'appelle idam. C'est de l'huile, du beurre, du fromage, du vinaigre. Tout ce qui se mange, il mangeait avec le pain, il l'appelait idam. Et ce que ce juif lui a présenté, il lui a présenté du pain en orge et comme du fromage qui avait une odeur, tellement il a vieilli. Son goût et sa couleur a changé, tellement il a vieilli. C'est devenu un peu puant. Et dans une riwaya, ça a moisi. Ça a moisi. Donc c'est du roquefort. Allah m'sal. À notre époque, ça coûte cher. Et il y a le genre de fromage. Là, qu'il en tout cas, il lui a présenté ça. Et le Nabi alayhi salam, il l'a mangé. Il a mangé ce que ce juif lui a présenté. Alayhi salatu wa salam. Et le muslimin, il mangeait les nourritures des gens du livre. Et Omar, quand il a conquis la Palestine, tout à l'heure j'ai dit Dimashq, je voulais la région de la Palestine, Sham. Quand Omar, radiallahu anhu, il a conquis la Palestine, radiallahu anhu, il a mis parmi les conditions que les gens du livre يعني qu'il donne à manger aux musulmans, qu'il donne à manger aux musulmans qui sont venus dans la conquête. Et يعني la nourriture des gens du livre est autorisée, bien évidemment, comme Allah Azza wa Jalla dit, wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum. La nourriture des gens du livre nous est licite, nous est halal. Ce qu'ils sacrifient est halal pour nous. Et ce qu'il cuisine est halal pour nous. Ça, c'est la règle de base jusqu'à preuve du contraire. Et tu ne sors de cette règle de base, de cette certitude, qu'avec une certitude égale ou supérieure. Et il a été rapporté que Omar, radiallahu anhu, quand il est arrivé dans la région de Sham, les gens du livre l'ont invité. Ils l'ont invité à un repas. Il a dit, il est où le repas? Ils ont dit, dans le Kalisa, dans l'église. Il a détesté entrer dans le Kalisa. Il a dit à Ali, radiallahu anhu, va avec eux et mangez. Et ils sont entrés dans le Kalisa, ils ont mangé. Mais Omar, radiallahu anhu, n'a pas voulu entrer dans l'église. Il a détesté cela. Mais c'est dans sa personne. Il ne l'a pas rendu interdit aux autres. Et Ali, quand il est entré, il a mangé, il a dit, qu'est-ce qu'il a, le gouverneur des croyants, l'émir des croyants, il n'y avait pas de mal à ce qu'il entre et qu'il mange. Peut-être qu'ils ont trouvé un bon repas. Et Ali disait ça d'une manière sympathique. Et les musulmans n'ont cessé de manger ce que préparent les gens du livre, et de manger avec leurs enfants, et de boire dans les mêmes récipients que dans lesquels boivent et mangent leurs enfants. Et ils ne voient aucun mal en cela, contrairement à ceux qui se refusent à manger dans un récipient dans lequel un enfant a mangé, ou un verre dans lequel un enfant a bu. Le septième et le dernier point est que le prophète alayhi sallam embrassait les enfants. Il embrassait les enfants. Yani, ce que l'imam Ibn Qudama, il a cité une précision sur la bouche. Ça, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé dans un hadith. Yani, il y a dans beaucoup de hadiths que le prophète alayhi sallam embrassait les enfants, mais dans tout ce que j'ai trouvé, il embrassait sur la joue Al-Hassan, comme il a rapporté Abu Daoud. Abu Huraira a embrassé Al-Hassan sur son nombril. Abu Nadra a embrassé Al-Hassan sur sa joue. Hadith Al-Aqra' ibn Habis. Quand il était assis avec le prophète, Al-Hassan est venu. Et le Nabi l'a embrassé. Quand il l'a vu, il a dit, Al-Aqra' ibn Habis, il a dit, j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Yani, j'ai jamais fait de bisous à l'un de mes enfants. Le Nabi Aïssalam lui a dit, Man la yarhamu, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il lui sera pas fait miséricorde. C'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, hadith authentique. Donc le Nabi Aïssalam, il embrassait les enfants. Il leur faisait des bisous. Et il buvait dans le même récipient que Aïcha radiallahu anha, tout en ayant ses menstrues. Pendant qu'elle avait ses menstrues, il buvait avec elle, il mangeait avec elle. Et il prenait une date. Il mangeait, il donnait le reste à Aïcha radiallahu anha. Et Abu Bakr a porté Al-Hassan, le fils de Ali, radiallahu anhuma, il l'a porté sur son épaule, tout en ayant la salive qui sort de sa bouche, et ne s'est pas purifié ensuite. Et ça n'a jamais été rapporté de l'un d'entre eux qu'il s'éloignait des enfants, ou là qu'il considérait que ce qui peut sortir des enfants de leur salive, ou là, des choses comme ça, comme une impureté. Et personne d'entre eux ne se purifiait non plus des nourritures des gens du livre, ou les nourritures des musulmans d'une manière générale. Et le Nabi alayhi salam a précisé dans le hadith, il a précisé par rapport au chat. Il a dit, innaha laysat binajas, innaha min at-tawafin alaykum. Par rapport au chat, le prophète alayhi salam a dit, le chat n'est pas impur, car il fait partie de ceux qui sont autour de vous, qui sont avec vous dans vos maisons, qui font des va-et-vient. Yani, le chat, il est avec les gens dans leur maison, il vit avec eux. Hada, on l'appelle tawaf. Ce hadith a une petite anecdote, c'est que Abu Qatad al-Ansari, le grand compagnon, radiallahu anhu, un jour il est entré et on lui a présenté un récipient dans lequel il y avait de l'eau pour faire ses ablutions. Un chat est venu, il a bu dans ce récipient. Et Abu Qatada, quand il l'a vu, il a penché le récipient pour que le chat boive davantage. Et il l'a laissé boire jusqu'à se rassasier. Son épouse, Kabsha bint Ka'b ibn Malik, son père c'est Ka'b ibn Malik, le grand compagnon. Son épouse, quand elle l'a vu faire ça, elle s'est étonnée. Yani, le chat, il boit dans ton récipient, après tu fais les ablutions. Il lui a dit, est-ce que tu es étonné de ce que j'ai fait? Elle a dit oui. Et ensuite, il lui a cité ce hadith. Le chat n'est pas impur. Il fait partie de ceux qui sont avec vous dans vos maisons, qui font des va-et-vient. Donc, si dans ce hadith, Nabi al-Islam, il nous dit que le chat est pur, tout en sachant que le chat, il peut manger des impuretés. Et c'est ce qu'il mange habituellement. Il mange des impuretés et c'est ce qu'il mange habituellement, le chat. Alors que dire de des enfants? Que dire des hommes, des femmes musulmines qui ne mangent pas d'impuretés? Donc ceux-là sont purs, yani, d'une manière plus forte encore. Et dans ce qui a été cité, il termine en disant, dans ce qui a été cité, une suffisance, inshallah, pour ne pas suivre la voie des mouswissines, qui considèrent les enfants comme impurs, et qui les traitent comme on traite les chiens, en se purifiant de ce qui a été touché par l'enfant, cette fois dans la première avec de la terre, et qui voient que c'est une obligation de laver leurs mains et leurs bouches après avoir fait un bisou, l'a touché un enfant avec sa main. Et si la religion était la chose sur laquelle ils sont, si c'était la religion comme eux ils pensent, comme eux ils font, alors ça serait pas une législation de pur monothéisme, de tolérance et d'indulgence. Et si c'était comme eux, ils croient également, alors la plupart des musulmines seront égarées et seront dans le délaissement de ce qui est obligatoire. Et leur salat sera invalide et leurs adorations seront remplies de lacunes et de manquements. Surtout les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, dont la majorité d'entre eux venaient de la campagne, étaient des bédouins à la base. Et ils ne connaissaient pas cette minutie et cette exagération dans la propreté que pratiquent ces gens touchés par le waswas. Et malgré cela, jamais le prophète alayhi salam ne les a blâmés. Mais par contre, le prophète alayhi salam, il a blâmé ceux qui tombent dans l'exagération et dans l'outrance et dans l'excès dans la religion. Il a mis en garde contre l'exagération. Il a dit « Innama halaka man kana qablakum bil ghulou fi ad-din ». Ce qui a été la cause de la perdition de ceux d'avant vous, c'est l'exagération dans la religion. Et beaucoup de ces mouswissines tombent dans l'exagération dans la religion. Et beaucoup d'entre eux reconnaissent leurs erreurs. Et si tu lui poses une question sur une chose, il va pas te recommander de faire comme lui il fait. Et il va pas te dire de me suivre dans ce qu'il fait. Et ça, c'est étonnant, il dit, rahimallah. Ça, c'est étonnant. S'il reconnaît que ça, c'est une erreur, et qu'il ne doit pas le faire, et qu'il n'arrive pas pourtant à délaisser cette chose-là, tout en sachant qu'il n'y a aucun plaisir à le faire. Et il n'y a pas quelque chose que l'âme aime dans cette pratique de l'mouswis. Au contraire, c'est une difficulté, il se rend la vie pénible, et c'est une exagération dans la religion, et une transgression de la sunna, et une obéissance à Iblis. Il accepte le conseil de Iblis. Et alors que dans le suivi de la sunna, une baraka, une bénédiction, une conformité à la législation qu'Allah a agréée pour nous, et c'est une cause de l'amour d'Allah et de l'élévation des degrés dans le paradis, et un apaisement, une sérénité pour le cœur, et également un apaisement pour le corps, et une désobéissance au shaitan, une opposition aux recommandations du shaitan, et en cela t'empruntes la voie droite, le droit chemin, qu'Allah nous le facilite à tous. Il nous préserve des innovations et de toutes les causes de la perdition avec sa miséricorde et son bienfait. Fin de ce livre. Et inshallah ta'ala, dans la séance prochaine, nous allons faire ce que je vous ai promis. Yani, on va parler de quelques points en plus qui concerne cette maladie par laquelle certains musulmans peuvent être touchés et que personne n'est à l'abri. Et comme j'ai dit, c'est une maladie facile à soigner quand tu la soignes dès le début avec la science et quand la personne a une détermination et une volonté à mettre en pratique ce qu'elle apprend de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.